Méga jour, méga soir, méga blanc et méga noir, voici l'heure de Méga Mindy. Méga droit, méga astuce, méga gars et méga puce, voici l'heure de Méga Mindy. Sans répit, je poursuis les truands et les bandits, amour et paix. Méga soir, méga blanc et méga noir, voici l'heure de Méga.